La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'espace-temps est courbé, qu'est-ce à dire ? En novembre 1915, un certain Albert Einstein publiait une nouvelle théorie de la gravitation, baptisée la théorie de la relativité générale. Celle-ci stipule que la géométrie de l'espace-temps se trouve déformée par les masses et par l'énergie qu'il contient, et qu'en retour, cette géométrie pilote le mouvement des objets. Soyons humbles et reconnaissons que cette révolution conceptuelle, vieille de plus d'un siècle, persiste à nous sembler franchement mystérieuse. Lorsque nous faisons tomber une pierre à nos pieds, nous continuons de considérer comme Newton que c'est la Terre qui l'attire vers le sol, alors qu'en réalité, il faudrait imaginer que la Terre distord l'espace dans son voisinage et que la pierre se contente de glisser sans subir la moindre force le long d'une sorte de toboggan dans l'espace-temps. Comment un tel bouleversement dans la façon de comprendre la gravitation a-t-il pu se produire ? Et qu'implique-t-il pour l'univers lui-même ? Pour répondre à ces deux questions, j'ai invité deux jeunes gens qui viennent brutalement diminuer la moyenne d'âge des invités de l'émission. À ma gauche, Arthur Touati, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en mathématiques. Et à ma droite, Stéphane Dascoli, vous êtes doctorant en physique. Tout à fait. Alors, sur quoi travaillez-vous ? Alors moi, je travaille Arthur Touati. Merci. Je travaille sur les aspects théoriques de la relativité générale, mathématiques, et en particulier sur les équations qui sont en son cœur, qu'on appelle les équations Einstein, dont on reparlera, j'imagine, en particulier de leur signification physique. Et mathématiquement, elles sont très intéressantes, très riches, et elles sont étudiées depuis 1915. Depuis plus d'un siècle. Ouais, il y a encore des choses à comprendre. Oui, énormément. Et vous, Stéphane Dascoli, vous êtes doctorant dans un laboratoire de physique ? Oui, c'est ça. Alors, je suis un peu en transfuge, parce que c'est vrai que c'est plutôt pendant mon master que j'ai étudié la relativité. Maintenant, je travaille plus sur un autre domaine de la physique théorique, la physique statistique, qui s'intéresse aux systèmes avec beaucoup de degrés de liberté en interaction. Et en particulier, on essaye de modéliser, de proposer des modèles de réseaux de neurones artificiels pour essayer de comprendre comment ils marchent avec des outils de physique statistique. Donc, vous étudiez l'interaction entre la physique théorique et l'intelligence artificielle, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Mais alors, vous êtes très jeune et... En général, on attend d'avoir passé sa thèse, voire encore plus avant d'écrire un livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre qui s'intitule « Voyage au cœur de l'espace-temps » qui est sorti aux éditions First ? Il a pour sous-titre « De la théorie de la relativité au mystère du cosmos ». Qu'est-ce qui a été l'impulsion de cette démarche que vous avez menée ensemble ? Au début de cette impulsion, il y a eu une opportunité. On nous a proposé, par des connaissances de Stéphane, d'écrire un tel livre. Et c'était le sujet rêvé pour Stéphane et moi, qui à l'époque étions en colocation. On habitait ensemble l'an dernier. Et on s'est dit, mais c'est parfait. Physique et maths, la relativité, c'est une sorte de passion commune dont on parle beaucoup. Mais quand on est en thèse, on n'a pas de temps. Alors, on n'a pas de temps. Sauf quand il y a le Covid. Exactement. Le Covid nous a, sorti du quotidien de la thèse, bien malheureusement, et nous a permis d'écrire un bouquin comme ça. On s'est isolé assez longtemps pour écrire à deux ce bouquin. Et je pense que c'est pas si absurde de s'intéresser à l'histoire de notre domaine dès la thèse. Finalement, en thèse, on s'approprie une histoire, on s'approprie un sujet en essayant d'y trouver des réponses. Et c'est pas bête, finalement, de écrire l'histoire dans laquelle nous, on espère s'inscrire à ce moment-là, et pas 40 ans après, comme vous dites. Alors, j'ai lu ce livre, il est très pédagogique. Alors, votre souci, c'était de rendre la relativité générale populaire. Oui, alors en ce qui me concerne, c'est vrai que Stéphane Dascoli. Oui, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, je voulais absolument parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler. Déjà, on ne l'apprend pas au lycée. C'est une des seules branches de la physique qu'on finalement au lycée on nous apprend la physique. Près 20e siècle, c'est-à-dire on nous parle des lois de Newton, on nous explique comment volent les balles de tennis, comment la Lune est en orbite autour de la Terre. Finalement, ça c'est peut-être moins passionnant dans le sens où on le voit, on le comprend, on n'a pas forcément besoin de formules pour appréhender ça. Ce qui est assez formidable avec la relativité, c'est que ça nous a permis de découvrir des choses qu'on ne pouvait pas imaginer et ça nous donne l'image d'un monde très étranger. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Alors quand on veut comprendre comment elle est advenue, on commence par quoi ou par qui plutôt, Galilée ? Si j'en crois à votre livre, dont le premier chapitre s'intéresse aux travaux de Galilée sur la chute des corps, c'est là le démarrage. On commence par Galilée quand on écrit le livre, mais je pense que quand on le lit plutôt, mais quand on l'a écrit, on a commencé quand même par Einstein, je pense. En tout cas, moi, personnellement, tout commence avec Einstein et les bouquins sur lui que j'ai pu lire quand j'étais petit, et sa figure médiatique, en fait, plus qu'une figure scientifique. Mais par contre, oui, effectivement, quand après on réfléchit et qu'on écrit un bouquin de vulgarisation, on commence par Galilée, ça c'est sûr. Parce que la distance entre Einstein et Galilée est très courte, en fait. Ils font des expériences de pensée tous les deux. Exactement. Ils ont tous les deux compris, l'un plus que l'autre, que quand deux corps tombent, même si leur masse est différente, ils tombent de la même façon. Oui. Tout à fait, on a vraiment voulu introduire le concept d'expérience de pensée avec Galilée, parce que c'est vrai que c'est un des premiers, bon alors c'est un peu le fondateur de la physique classique de base, mais surtout ce qui fait son génie, c'est voilà d'avoir pu commencer à introduire ce mode de faire de la science, qui est non pas de faire des expériences, mais de réfléchir à des expériences, et c'est souvent elles qui ont créé les plus grandes ruptures dans l'histoire des sciences. Des expériences qu'on peut pas faire forcément dans un laboratoire, mais qu'on peut imaginer. Oui. Alors quelle est l'expérience de pensée qui a tout déclenché? Alors, en ce qui concerne Galilée, c'est donc la chute des corps. Donc, ça a été finalement ce moment-là, c'est quand il s'est opposé à cette théorie de la chute des corps de l'Antiquité, hein, d'Aristote, qui stipulait que la chute d'un corps est proportionnelle à la masse de ce corps. Qu'est-ce qu'on voit à peu près? Ce qui est ce qu'on voit, alors ça dépend. À peu près. C'est vrai que si on lâche une plume et une balle, on voit clairement que la balle tombe plus vite que la plume. Par contre, si on lâche une balle et une boule de pétanque, elles vont tomber à peu près à la même vitesse. Donc on voit quand même que c'est pas tout à fait juste. Si on fait tomber un corps 10 fois plus vite, 10 fois plus lourd, il va pas tomber 10 fois plus vite. Et donc, Galilée, son intuition, c'est qu'en fait la vraie vitesse d'une chute libre, c'est-à-dire une vraie chute libre, pas celle qu'on constate forcément dans l'atmosphère, mais dans le vide, est indépendante de la masse de ce corps. Et pour prouver ça, alors c'est difficile à lui pour prouver, parce qu'il peut pas faire le vide, c'est là qu'intervient l'expérience de pensée. Non seulement il peut pas le faire, mais la plupart des gens pensent que le vide n'existe pas. En plus. À son époque, c'est sûr. Ouais. Voilà, il sait même pas qu'il y a des petites molécules d'air, tout ça, c'est la physique beaucoup plus récente, et donc, ce qu'il fait pour démonter la théorie d'Aristote, c'est, il essaye de la mettre en contradiction avec elle-même. Alors, moi, l'image que j'aime prendre, pour montrer que qui ressemble un petit peu à l'expérience de pensée de Galilée, mais qui est peut-être plus simple à expliquer, c'est juste, quand on saute en parachute et qu'on est à côté de quelqu'un, et qu'on lui tient la main, tout d'un coup, on forme un seul objet, qui est peut-être 2 fois plus lourd, et pourtant, ça semble évident qu'on va pas tout d'un coup accélérer 2 fois plus vite. Et finalement, Galilée, c'est à peu près la même idée qui prend, et c'est ça qui montre. Il voit une sorte de contradiction dans la loi d'Aristote quand on l'applique à deux corps qui sont reliés l'un à l'autre. Voilà. Et c'est toujours assez surprenant de se dire que cette idée a persévéré pendant, un milliard ou deux, et qu'il a fallu autant de temps pour la démonter. Donc, c'est l'expérience de pensée qui lui a permis de comprendre que la chute des corps ne dépend pas de la masse des corps. Tout à fait. Et donc, on a une loi physique là, la première peut-être de la physique moderne, qui contredit l'observation. Tout à fait. Oui. Qui oblige à retravailler l'interprétation qu'on donne des événements, à savoir que la gravitation les fait tous tomber de la même façon, mais il y a d'autres forces, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables des différences de vitesse qu'on constate. Ouais, c'est ça. Il a su se représenter les frottements de l'air avant de les voir, et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est vraiment l'histoire, donc, comme le dit Bachelard, de penser contre son cerveau, donc penser contre les manifestations qu'on voit, évidentes. Quoi. Et de quand date le concept d'univers ? L'univers, c'est pas la même chose que le cosmos des anciens, c'est pas le monde, c'est autre chose. Alors, je crois que c'est quelque chose comme... Arthur, toi, qui... Vers la Renaissance. J'avoue, je suis pas du tout sûr à 100%, mais je crois que c'est vers la Renaissance, où c'est assez récent. Et en même temps, si on pense à la relativité générale, c'est assez vieux. C'est-à-dire que l'univers est clairement le mot que la relativité générale a fait sienne, mais en absorbant ce mot-là, en fait, elle l'a totalement transformé, et le sens a changé. Mais est-ce qu'on peut pas dire qu'un univers, c'est un lieu dans lequel les lois sont universelles, sont les mêmes partout et à tous les moments du temps? En tout cas, on a envie de dire que si un tel objet, qu'un objet où les lois dépendent de l'endroit n'est pas un univers. Je sais pas si... Ça contredit pas ce que j'ai dit. Ah, clairement, ça contredit pas, mais au moins, c'est un critère nécessaire. Je sais pas si c'est suffisant. Voilà, nous, dans le livre, c'est vrai qu'on a essayé de distinguer deux univers en utilisant une majuscule. L'univers avec un sans majuscule, c'est celui, donc, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Alors que l'univers avec une majuscule qu'on a essayé de distinguer de ce premier univers, c'est celui des cosmologistes, donc celui, le contenant indépendant de ces objets. Donc, on y reviendra. Alors, n'allons pas trop vite. Oui, voilà, on y reviendra. Mais moi, j'ai lu dans beaucoup de livres de cosmologie, cette phrase. Il a fallu attendre le XXe siècle pour savoir que l'univers avait une histoire. C'est une phrase qui m'a toujours surpris, puisque au XIXe siècle, les gens qui faisaient la thermodynamique on racontait une histoire de l'univers. Il prédisait la mort thermique. Et puis toutes les cosmogonies, ce que Bachelard appelait les songeries ancestrales, racontent une histoire du monde. Et il n'y a aucune cosmogonie qui dit « il ne s'est jamais rien passé, tout a toujours été comme nous voyons qu'il est oui. ». Donc toutes les cosmogonies racontent une histoire du monde. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'univers dans la phrase « l'univers a une histoire » quand on est au XXe siècle, et en quoi ça distingue cette phrase de celle qui a été dite auparavant? Ça la distingue dans le sens où quand Einstein, par exemple, ou plutôt d'ailleurs ses détracteurs comme l'abbé Lemaître, disent « l'univers a une histoire », la subtilité, effectivement, elle est dans le mot « univers », et pas tellement dans « avoir une histoire ou pas ». Cet univers-là, pour le coup, il est vraiment nouveau. Il date vraiment du XXe siècle, et en tant qu'objet mathématique, il n'était pas imaginé avant, mais pour le coup, il était présent sans avoir d'histoire avant. L'espace-temps de Newton existe, mais pour lui, pour le coup, n'a pas d'histoire. À opposer aux objets qui... Il est stationnaire. Il est totalement stationnaire, et il a d'autres propriétés qui le distinguent de l'espace-temps moderne. Par contre, les objets qui sont à l'intérieur avaient déjà une histoire. Ne serait-ce que nous, quand nous parlons, évidemment qu'on a une histoire. Le temps s'écoule, les choses évoluent, on grandit. Mais c'est effectivement le contenant, la trame de l'univers qui, en fait, du coup... Ma phrase, là, je me contredis un peu. Quand on dit la trame de l'univers, en fait, c'est tautologique. Parce que l'univers, c'est la trame. C'est-à-dire que l'enveloppe des objets qui ont une histoire n'a pas d'histoire. C'est ça qu'on pense... C'est ça qu'on pensait avant... Avant Einstein. Exactement. Ouais. Et après Einstein, ce qu'on appelle l'univers, finalement, c'est l'espace-temps. Exactement. Alors, là, on va trop vite, hein, les amis. Il va falloir qu'on reprenne les choses à la base. Alors, puisque visiblement, c'est Einstein qui a été le... celui qui a fait basculer cette façon de parler, avec une théorie qu'on a citée, la relativité générale, comment est-ce qu'il y est arrivé? Quelles sont les expériences de pensée, les réflexions qu'il a pu avoir, qui l'ont mené à modifier la théorie de la gravitation telle que proposée par Newton? Alors, donc il faut savoir que donc, la relativité Daskoli. Générale, effectivement, c'est 1915. Auparavant, en 1905, il y avait sa théorie de la relativité restreinte. On va commencer par elle. Voilà, qui fonde déjà la notion d'espace-temps, puisqu'elle nous apprend qu'en fait, le temps et l'espace peuvent se mélanger lorsqu'on se déplace. Pour imaginer un petit peu mal la chose, quand on se déplace vite dans l'espace, on se déplace plus lentement dans le temps. Alors, c'est très compliqué à expliquer. Il y a des subtilités là-dedans, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Si je me déplace vite dans l'espace... Je reste immobile par rapport à moi-même. Alors, donc ça change rien à mon temps propre. Voilà, c'est là qu'il faut plusieurs observateurs en fait pour décrire la relativité restreinte. Et un bon exemple pour décrire la relativité restreinte, c'est celui du paradoxe des jumeaux. En fait, si un jumeau aventurier prend une petite fusée qui va à destination d'Alpha du Centaure très rapide et qui revient, eh ben il pourra être plus jeune que son frère resté sur Terre. Oui, mais ça n'a rien changé pour lui. En tout cas, les indications de sa montre, son rythme cardiaque, ne sont pas modifiées. Exactement. Il a vécu un temps biologique normal. C'est vraiment les horloges qui sont décalées entre ces deux observateurs. Et donc voilà, donc cet espace-temps-là, il y a une particularité de la relativité restreinte, et c'est ça qui fonde la théorie, c'est le fait que la vitesse de la lumière est universelle et indépendante du mouvement de sa source. C'est-à-dire que si un train à 100 km/h allume son phare, bah, la lumière qu'il émet devant elle ne va pas aller à la vitesse de la lumière plus 100 km/h, ça va simplement être la vitesse de la lumière. Et en particulier, elle a une particularité, cette vitesse de la lumière, c'est qu'elle intervient dans d'autres lois, par exemple dans la loi E égale MC2, c'est vraiment une constante universelle, et en particulier, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Ça, c'est une des conséquences de la relativité restreinte. Or, la théorie de la relativité de Newton suppose que l'information se propage instantanément entre l'objet qui exerce l'attraction et l'objet qui est attiré. Et c'est là déjà qu'on voit qu'il y a une contradiction flagrante, et c'est pour ça que dès 1906, en fait, Einstein commence à réfléchir à comment concilier la gravité avec sa théorie de la relativité restreinte. Mais quand vous dites rien ne peut aller plus vite que la lumière... Vous dites quelque chose qui est contredit par votre livre. Exactement. Alors, en fait, c'est une particule, une information, ne peut pas aller plus vite que la lumière. Voilà. Il y a toutes sortes de phénomènes qui peuvent aller plus vite que la lumière. On ne devrait pas dire rien. Vous donnez un exemple dans votre livre que je vais vous laisser raconter, Arthur Toiti. Ouais, imaginez, vous êtes sur Terre, vous avez un gros projecteur très puissant qui permet d'éclairer la Lune. Et donc, vous éclairez la Lune. Et avec votre doigt, vous passez votre doigt justement devant le projecteur. Bah, du coup, sur la Lune, il va y avoir une ombre, a priori gigantesque, qui va traverser la Lune d'est en ouest, par exemple. Bah, et si vous le faites assez vite, ou si la Lune est assez loin, on pourrait imaginer qu'on pourrait l'éloigner, cette ombre de votre doigt sur la Lune peut aller à peu près arbitrairement vite, et en particulier plus vite que la vitesse de la lumière. Sans que ça viole la relativité. Ça ne viole rien du tout, mais c'est parce que cette ombre n'est pas une information, n'est pas une particule, et n'est pas une information qui est quelque chose de... et n'est pas un peu une interaction. ce qui du coup rejoint ce que Stéphane disait par rapport à l'interaction gravitationnelle, qui n'est pas non plus une particule, quoique, mais en tout cas qui n'est... Ouais, c'est effectivement... Donc le problème qu'il y a avec la théorie newtonienne de la gravitation, c'est qu'elle suppose que la gravitation se propage instantanément, donc avec une vitesse infinie, oui. Ce qui contredit les principes de la relativité restreinte. Exactement. C'est, par exemple, si le Soleil disparaissait, la Terre s'échapperait tout de suite en ligne droite, alors qu'en principe, on s'attend à ce que l'information doive parvenir jusqu'à la Terre. Il faille 8 minutes pour que la Terre se dise « Ah, bah tiens, le Soleil n'est plus là, je peux m'échapper ». C'est ça qui est nouveau. Et d'ailleurs, il y a un autre exemple de déplacement qui peut être plus rapide que la lumière, qui porte souvent à confusion, c'est celui des galaxies les plus distantes qui s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Là encore, en fait, il n'y a pas de contradiction avec la loi de la relativité restreinte, parce que c'est pas la galaxie elle-même qui se déplace, c'est en fait l'espace qui est gigantesque, qui nous sépare d'elle, qui s'étend. Et donc, en ajoutant toutes ces petites contributions de l'espace qui s'étend, on arrive à une vitesse plus grande. Les galaxies sont immobiles dans un espace qui gonfle. Exactement. Qui gonfle très vite. Qui gonfle très vite. Une autre raison qui a poussé Einstein et ses collègues, mais principalement Einstein, à penser à la relativité générale, enfin à se dire, il faut quelque chose, il faut modifier quelque chose, il faut jeter la théorie de Newton et en faire quelque chose d'autre, c'est une raison, c'est un argument observationnel qui est lié à Mercure. Il faut savoir qu'au fin 19e siècle, début 20e siècle, l'astronomie, moi je suis émerveillé par ce qu'on arrivait à faire à cette époque-là, malgré l'absence de, je sais pas, Hubble par exemple, qui sont beaucoup plus modernes. Et on a vous parlez du télescope Hubble? Oui, bien sûr, le télescope. Parce que le physicien était déjà né. Le physicien était déjà né, peut-être très jeune et encore inactif. On en reparlera, j'imagine, de ce qu'il a fait quand il était actif. Non, je parle du télescope. Effectivement, sans télescope très puissant, on arrivait déjà à mesurer des choses très précises sur les planètes autour de nous, et en particulier Mercure, qui, parce qu'elle est proche du Soleil, a des particularités que, par exemple, la Terre n'a pas ou Saturne n'a pas. Et ces particularités-là, qu'on pourra peut-être expliquer à un autre moment, ont poussé Einstein à se dire « Ok, il faut modifier quelque chose. La théorie de Newton ne suffisait pas à expliquer la réalité. » Et en gros, il avait le choix. Quand la réalité contredit les modèles, on a le choix entre approfondir notre connaissance de la réalité, observer mieux, découvrir des choses, ou alors changer le modèle, clairement. Mais il y avait déjà eu le cas avec la planète Uranus. Neptune. Qui avait une trajectoire un peu bizarre, et on avait prédit l'existence d'une nouvelle planète, Neptune, qui a été découverte. Exactement. Et pourquoi ça n'a pas marché de la même façon avec Mercure? Alors, ça a été essayé. Effectivement, Neptune, qui a un succès monumental de la théorie de Newton milieu 19e siècle, a donné confiance justement à cette théorie newtonienne. Et quand on a découvert le problème de Mercure, qui est pas similaire, mais qui est de la même idée, on a essayé d'appliquer la théorie de Newton à ce truc-là. On a même prévu une planète qui s'appelait Vulcain. Oui, qui était entre Mercure et le Soleil. On n'a jamais vu. Qui n'existe pas. Et effectivement, on a essayé de faire ça, mais la valeur numérique, la théorie de Newton prédisait une modification de l'orbite de Mercure, mais pas la bonne. D'ailleurs, ce qui est très beau avec cette histoire de Neptune, c'est que c'était la première fois qu'on avait en quelque sorte une découverte théorique, c'est-à-dire qu'on a pu, par les équations, prédire l'existence d'un objet et de l'observer en réalité. D'ailleurs, François Arago disait que Urbain Le Verrier, donc l'astronome en question qui a fait les calculs, des calculs phénoménaux pour l'époque, l'a vu au bout de sa plume. Et ce qui est beau, c'est que ça fait écho à toutes ces découvertes qu'on a faites avant de la voir au bout d'un télescope. Exactement. Et le soir même, d'ailleurs, qui était vu au bout d'un l'observatoire de Berlin. Donc, ça a été très rapide. Et en fait, ça fait écho à la relativité qui nous a aussi permis d'observer des objets, c'est-à-dire d'imaginer les objets, puis les voir. Alors, au lieu de faire l'autre. Oui, ces deux théories se sont contredites dans l'histoire des sciences et elles sont adversaires en un sens au début du XXe siècle. Mais, le statut des mathématiques dans ces deux théories est assez similaire malgré tout. Bon, alors, on a bien compris là qu'il y a un problème avec la façon newtonienne de comprendre la gravitation. Oui. Contradiction avec la relativité, problème observationnel. Quelles sont les étapes de la réflexion d'Einstein ou d'autres qui vont le mener d'abord à ce qu'on appelle le principe d'équivalence et puis ensuite à une nouvelle théorie physique? Alors oui, c'est donc comme on l'a dit, relativité restreinte 1905, il s'est tout de suite mis à réfléchir à donc comment concilier la gravité. Donc déjà en 1907, il a commencé à avoir la première idée. Il revenait de manger, il était à son office des brevets à Berne et il rêvassait un petit peu. Et puis il s'est imaginé, alors on raconte qu'il a lu l'histoire d'un ouvrier tombé d'un toit, qu'il s'est imaginé donc en position de chute libre. et il s'est dit, si je suis en chute libre, en fait, tout se passe comme si je ne sentais pas mon propre poids et les objets autour de moi vont flotter exactement comme si j'étais au milieu de l'espace sans pesanteur. Et c'est ça qui l'a mis sur la route du fait que la gravité n'est pas vraiment une force et que ses effets annulent son existence. C'est-à-dire, dès qu'on se met à tomber, c'est comme si on ne tombait plus. Alors évidemment, si on tombait vraiment, on sentirait le vent dans nos cheveux, etc. Mais il faut imaginer qu'on ne voit rien. Et là, à ce moment, on ne sent pas la chute. Et donc, l'exemple que prend Einstein pour illustrer ça, c'est celui d'un ascenseur qui serait sans hublot et dans lequel on se sentirait collé contre le sol. Alors, on a l'habitude d'être collé contre le sol sur Terre. Mais il s'est imaginé la chose suivante. Si j'étais au milieu de l'espace et que l'ascenseur accélérait vers le haut, et bien j'aurais les pieds collés au plancher exactement de la même manière. C'est-à-dire que je ne peux plus distinguer la situation d'être dans un champ de pesanteur d'une accélération. Et c'est ça qu'on appelle... Une accélération dans un endroit où il n'y a pas de gravitation. Tout à fait, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est vraiment novateur avec son principe d'équivalence, c'est de dire que la gravité peut être effacée par une accélération, ou au contraire, l'accélération peut créer une gravité. Et ça, c'est 1907 ? Ça, c'est 1907, voilà. Et donc, à partir de cette intuition physique, et c'est ça qui est merveilleux avec Einstein, c'est que c'est vraiment ses intuitions physiques qui l'ont mis sur la bonne voie, parce qu'il y avait des mathématiciens gigantesques avant lui, hein, Poincaré, on reparlera de Riemann, etc., qui avaient les outils mathématiques, mais lui, il s'est toujours ramené à une situation physique véritable. Il s'est imaginé, il a mis son corps dans une situation physique pour essayer de se mettre sur la bonne voie. Et voilà, après, Arthur pourra raconter. Donc, Arthur Toitis, la suite de l'histoire, s'il vous plaît. La suite de l'histoire, en fait, en tout cas, en ce qui me concerne, comment j'ai envie de la raconter, c'est toujours une espèce de d'émerveillement et de surprise, dans le sens où passer de ce qu'a dit Stéphane, de l'expérience de pensée qui, quand on la raconte, en fait, est assez... assez simple. Ce qui est dur, c'est de comprendre ce qu'elle veut dire. C'est pas de l'imaginer, c'est pas de s'imaginer tomber, c'est de faire les bons constats au bon moment. Enfin, Einstein dit quand même qu'il a mis beaucoup de temps à trouver les bons mots pour la dire. C'est une sorte de pensée musculaire. Il s'imagine en chute libre, il essaie de voir comment son corps réagirait dans une telle situation. Ouais. Il a expliqué à la fin de sa vie dans un entretien qu'il avait eu du mal à transformer cette idée mentale en phrase et ensuite en équation. Exactement, c'est exactement là-dessus, je voudrais revenir là-dessus, vous avez dit en phrase puis en équation, il y a deux passages qui sont un peu incompressibles, c'est-à-dire que je pense que je n'arriverai jamais à comprendre comment Einstein, cette personne, a réussi à faire ce saut-là. Le passage en équation est quand même pas évident, et pour ça il s'est fait aider, il avait des amis, et il travaillait beaucoup avec sa femme qui était aussi physicienne et mathématicienne, et tous ensemble, à trois principalement, avec donc sa femme et Marcel Grossmann qui est aussi un mathématicien assez connu, qui était un camarade de classe d'Einstein à Zurich. Et un peu Michele Besso. Michele Besso, son ami italien. Je ne le connais pas. Ça fait quatre. C'est quand même pas beaucoup pour réussir à se dire que, ok, dans cette intuition-là, il y a de la géométrie. De la géométrie qui existait déjà. La géométrie riemannienne, non euclidienne, existait depuis, en gros, fin 19e, milieu 19e. Elle a été, provoquée par Gauss et Riemann. Et ces outils-là sont tous là. Et réussir à formuler le principe d'équivalence et le principe de relativité, qui est un autre gros bloc de la relativité restreinte et générale, dans ce langage de la mathématique, c'est pas du tout évident. Mais quand est-ce qu'il a compris qu'on pourrait pas s'en sortir en gardant la géométrie euclidienne de la physique newtonienne? Quand est-ce qu'il a compris qu'il fallait un espace-temps courbé, puisque c'est le terme qu'on a retenu? Ah, honnêtement, j'en ai aucune idée. Ouais, je pense que c'était la continuation naturelle de son... Je crois que c'était à Prague, parce que le premier poste qu'il a eu, c'était en 1909. Oui. Prague, il habitait un appartement dans un immeuble. Oui, l'ascenseur. Après, il y avait un ascenseur électrique. Le rayon lumineux, ouais. Et il a imaginé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il a imaginé qu'il était dans une cabine hors de tout champ de gravitation, mais accéléré avec une accélération constante dans une certaine direction. Il imagine qu'un rayon lumineux entre dans la cabine, à ma gauche par exemple, et évidemment l'impact du rayon lumineux sur la paroi de droite ne sera pas en vis-à-vis du point d'entrée, parce que l'accélération aura déplacé la cabine. Donc l'observateur dans la cabine verra un rayon lumineux courbé. Ça. Et ensuite il s'est dit, au nom du principe d'équivalence, je dois imaginer que si la cabine était posée sur le sol, ouais, dans le champ de gravité terrestre, je verrais aussi un rayon courbé. Courbé par quoi ? Pas l'accélération puisqu'il n'y en a plus, ouais, mais par la gravitation. Et c'est là qu'à mon avis, d'ailleurs il a démissionné de son poste pour rejoindre la ville de Zurich où habitait son ami Marcel Grossmann, ouais, qui à la différence d'Einstein n'avait pas séché les cours de mathématiques au Polytechnicum de Zurich. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette histoire-là, c'est vrai que la théorie de Newton ne prédit absolument pas ce qui va se passer au niveau de la courbure d'un rayon lumineux puisque la lumière n'a pas de masse, donc on ne peut pas écrire l'équation F égale ma. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on peut s'affranchir de ce concept de masse dans la mécanique de Newton, puisqu'on peut la simplifier des deux côtés de l'équation, et en fait, si on suit la théorie Newton, un rayon peut être dévié, si on s'affranchit de ce problème un petit peu scientifique de d'où vient la gravité s'il n'y a pas de masse, mais la déviation de la lumière qu'on calcule avec la théorie de Newton n'est pas la même que celle de la relativité générale. Je crois qu'il y a même qu'il y a un facteur 2. Il y a un facteur 2. Et ça a été, du coup, vérifié en 1919. C'est le premier test expérimental de la relativité générale. Le deuxième, si on inclut Mercure, ça a été de vérifier cette valeur-là. Est-ce que c'est la valeur de Newton ou deux fois cette valeur, c'est-à-dire celle d'Einstein? Et bon, il se trouve que, malgré des mesures un peu brouillonnes de Eddington en 1919, on a effectivement confirmé Einstein. Enfin, brouillonne... Avec les moyens de l'époque, elle était plutôt très bonne. Avec les moyens de l'époque, on lui a reproché de forcer l'histoire, c'est-à-dire d'être totalement partisan de la cause de la relativité générale et du coup de même pas imaginer qu'elle puisse être contredite et du coup de forcer l'expérience à donner un résultat. Mais c'est des controverses qui ont été tuées à un moment donné. Plus tard, remontons en 1913, Einstein comprend que l'espace-temps doit se courber si on veut pouvoir inclure dans le formalisme les conséquences du principe d'équivalence et de la relativité. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'espace-temps est courbé? Alors, l'espace-temps est courbé, déjà, ça veut dire, c'est quoi l'espace-temps? Il faut déjà le définir. Pour pouvoir dire qu'il est courbé, il faut pouvoir dire qui c'est. Et justement, grâce à des amis comme Marcel Grossmann et aux mathématiciens du fin du 19e siècle, Einstein a choisi, mais c'était le bon choix, d'adopter le point de vue de la géométrie. Et en fait, l'espace-temps de la relativité générale, c'est une surface géométrique, comme la table sur laquelle j'ai mes mains actuellement est une surface géométrique. Alors cette table, il se trouve qu'elle n'est pas courbée, mais elle pourrait l'être. Elle pourrait avoir une courbure, elle pourrait être un petit peu ronde. C'est-à-dire que le mot courbure de la relativité générale correspond quand même pas mal à la courbure qu'on a en tête quand on touche un verre d'eau qui est cylindrique, etc. Ce qui est particulièrement difficile, c'est que l'espace-temps, il est en quatre dimensions. Il y a trois dimensions d'espace et une dimension de temps. Donc c'est une surface qu'on peut pas du tout visualiser. C'est assez foutu à ce niveau-là en termes de qu'est-ce qu'on peut voir de l'espace-temps. On n'en voit que des projections dans notre esprit tridimensionnel. Et c'est là où les mathématiques sont puissantes. C'est que cette notion de courbure que nous on connaît au quotidien a pu être extrapolée à un objet inhumain au sens que l'homme ne peut pas appréhender matériellement. Et cette courbure-là, c'est l'objet central de la relativité générale. Avant qu'on le détaille, parce que là, ça va vite, on doit avaler des concepts à grande vitesse. Désolé. Je vous propose... Non, au contraire, c'est passionnant. Mais on va faire une petite pause musicale pour se détendre en écoutant un morceau que vous avez choisi. France Culture. La conversation scientifique. Étienne Klein. Stéphane Dascoli et Arthur Soiti, vous avez choisi de nous faire écouter les planètes, opus 32, Mercure comme par hasard, le messager ailé de Gustav Holst, interprété par l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par von Karajan. Pourquoi ce choix? D'ailleurs, lequel des deux, de vous deux, a choisi? Oh, ben, on s'est concerté, mais c'est vrai que cette œuvre était assez, donc moi, il se trouve que je suis clarinettiste. Donc c'est vous, Stéphane Dascoli, qui avez choisi vraiment. Oui, mais bon, c'était concerté, on va dire. Et c'est vrai que pour moi, il y a des raisons un peu plus personnelles parce que c'est un compositeur anglais. Il y en a pas beaucoup en musique classique et voilà, je voulais rendre un peu hommage à ça. Alors c'est le mouvement effectivement qui s'appelle Mercure. Alors on comprend un petit peu pourquoi ça fait référence à Mercure. C'est un mouvement un peu furtif, très rapide, etc., assez virtuose. Et Mercure s'appelle Mercure parce que c'est la planète la plus proche du Soleil qui va très vite. Donc on comprend pourquoi. Et évidemment, mon choix est motivé par le rôle important qu'a joué Mercure en ce qui concerne la relativité. Alors on peut peut-être revenir dessus rapidement pour expliquer un peu plus ce qui s'est passé. On a dit qu'il y avait une anomalie dans l'orbite de Mercure. En fait, concrètement, ce qui se passait, c'est que on sait depuis Kepler que les orbites dans le système solaire sont des ellipses. Et il se trouve que ces ellipses se décalent légèrement autour du centre de rotation, c'est ce qu'on appelle la précession des ellipses. Et ça, on peut le décrire avec la gravité de Newton, en prenant en compte l'effet des autres planètes, mais on ne trouve pas exactement le bon décalage. Alors en fait, c'est très subtil, on trouve un décalage mais qui est quasiment le bon décalage, mais il y avait cette petite différence qui nous a permis de mettre en lumière un paradoxe avec la théorie de Newton. Et c'est ce paradoxe que les équations d'Einstein ont résolu. Effectivement, ça a été le premier calcul qu'Einstein a dû faire, j'imagine, pour vérifier. En janvier 1916, oui. Voilà, très vite, c'est-à-dire 3 mois après. Mais il l'avait déjà tenté en 1913 avec Michele Besso. On a retrouvé des brouillons de calcul. Un manuscrit qui a été publié qui s'appelle le manuscrit Einstein-Besso, dans lequel, avec une mauvaise équation. Il s'est trompé sur la masse du Soleil. Non, ils n'avaient pas la bonne équation et ils se sont d'abord trompés sur la masse du Soleil, en effet, et puis ils ont trouvé un résultat qui était complètement faux, oui. Enfin, très différent des observations, mais ça ne les a pas inquiétés parce qu'ils avaient par ailleurs un résultat qui leur plaisait beaucoup et c'est au moment de vouloir publier qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une erreur. Et c'est là qu'ils ont accepté un nouveau tenseur dans l'équation proposée par Grossman. Oui, et ce qui leur manquait aussi, c'était ce qu'on appelle, bon, ça c'est vraiment des détails, mais la métrique de Schwarzschild, qui a été quelque chose qui a été découvert en janvier 1916, justement, par un monsieur qui s'appelle Schwarzschild, et qui a envoyé ça à Einstein, et Einstein a pu rapidement l'utiliser, pour vérifier qu'effectivement Mercure se décale, de manière un peu étonnante, mais au moins on a une théorie pour le décrire, donc c'est assez rassurant. Alors revenons à ce fameux espace-temps courbé. Oui. Il est courbé par quoi et qu'est-ce que ça veut dire courbé? Alors l'équation centrale dans la relativité générale, c'est l'équation d'Einstein que on peut représenter sous une manière très compacte sous la forme G égale T. Donc à gauche, on a un gros bazar mathématique qui s'appelle le tenseur d'Einstein qui représente en gros la courbure de l'espace-temps. Et à droite, on a... Donc c'est la géométrie finalement. La géométrie purement mathématique, alors qu'à droite, on a toute la physique qui est le tenseur énergie-impulsion qui en gros décrit la présence de matière et d'énergie dans l'espace-temps. Et donc il y a comme une rétroaction, c'est-à-dire que la présence de matière, donc le T, va changer le G, c'est-à-dire qu'il va courber l'espace-temps. Mais en réaction à cela, la courbure de l'espace-temps va modifier la trajectoire des autres objets. Et donc, si on en croit la théorie d'Einstein, en fait, la manière qu'on a de décrire, par exemple, l'orbite de la Lune autour de la Terre, c'est non plus par une force qu'exercerait la Terre pour l'attirer, c'est en fait que la Lune se déplace en ligne droite dans un espace courbé. Pour peut-être prendre un exemple plus parlant, il faut s'imaginer un ballon de foot sur lequel on a une petite fourmi qui se déplace et elle se déplace en ligne droite sans jamais tourner. Et pourtant, elle va finir par repasser par son point de départ, non pas parce qu'elle tourne, parce qu'elle se déplace sur un espace qui est courbé. Ça ressemble à une publicité des voitures BMW il y a quelques années. La publicité disait, pour une BMW, un virage, c'est une ligne droite qui tourne. C'est très beau. Ah, c'est magnifique. C'est ça que vous dites en fait. Alors c'est vrai et c'est drôle parce que ça se ramène aussi à une autre théorie qui est beaucoup plus ancienne, qui est celle d'Aristote justement. Ce qui est beau avec la cette histoire de la relativité, c'est qu'elle a fait un aller-retour finalement. Il y a eu trois théories de la gravité, celle d'Aristote, celle de Newton, puis celle d'Einstein. Celle d'Aristote est vraiment très phénoménologique, il n'y a évidemment pas d'équation, mais c'est simplement, Aristote décrit le fait que les objets ont tendance à rejoindre leur lieu naturel, qui est vers le bas pour les objets lourds, et au contraire, lorsqu'on se trouve dans l'eau, il y a la poussée d'Archimède qui nous ramène vers le haut, qui est le lieu naturel du coup pour les objets légers. Et Newton contredit totalement ça, puisqu'il introduit la notion de force, qui décrit vraiment pourquoi les objets tombent. Mais finalement, Einstein revient un petit peu à ça, puisqu'il s'affranchit de la notion de force, et il décrit justement la trajectoire de la Lune, non pas comme forcée, mais comme une trajectoire naturelle dans un espace. Donc c'est un mouvement inertiel. C'est un mouvement inertiel, finalement. La Lune ne subit pas de force. Voilà. Donc il n'y a plus de force, c'est juste une sorte de déformation de la géométrie. Ouais, et ça c'est très difficile pour nous d'accepter le fait qu'il n'y ait pas de force. On a du coup, vu qu'on l'a écrit ensemble et on était dans le confinement avec mes parents, j'ai dû beaucoup discuter avec eux pour essayer de les convaincre. Et l'exemple qui leur a parlé, c'est la chose suivante. Pour essayer de les convaincre que c'est absurde de dire que la Terre nous attire, imaginez-vous dans une voiture, lorsque vous accélérez, vous ressentez plaqué contre le fauteuil. Et pourtant, vous ne vous dites pas « Ah ben c'est le fauteuil qui m'attire ». Non, c'est votre inertie qui vous pousse contre le fauteuil. Et c'est la même chose en ce qui concerne la Terre. Ce n'est pas la Terre qui nous attire, c'est en fait, c'est là que ça paraît absurde, c'est le sol qui accélère vers le haut. Ça c'est un raisonnement. Est-ce que vos parents vous ont demandé est-ce qu'on peut voir cette courbure de l'espace, est-ce qu'on peut la sentir directement, ou est-ce que c'est au prix d'une analyse assez subtile comme celle que vous venez de faire? Si on évite l'analyse, c'est au prix d'un, ce que j'appellerais un acte de foi. Dans le sens où, si, moi je pourrais vous dire par exemple que quand vous tombez, vous sentez la courbure de l'espace-temps. S'il n'y avait pas de courbure, vous ne tomberiez pas. Donc si vous tombez, le fait qu'on soit attiré vers la Terre prouve, en un sens, que la courbure existe. Mais quand je dis prouve, c'est parce que j'ai accepté que la théorie d'Einstein est valide. Et c'est là où il faut soit mettre les mains dans le cambouis mathématique, ou alors croire ce qu'ils font sur parole. C'est-à-dire que quand je tombe, au lieu de dire que je suis attiré par une force créée par la Terre, en quelque sorte, je dois imaginer que je vais en ligne droite dans l'espace-temps, je suis une sorte de toboggan, comme on disait tout à l'heure, et c'est ça qui me mène vers le bas. Effectivement, c'est le problème, c'est la notion humaine de repos. Alors un ami qui s'appelle Olivier Garcia a trouvé une anagramme pour vous qui devrait vous plaire, parce qu'elle dit un peu ce que vous êtes en train d'expliquer, l'anagramme de la géométrie d'Albert Einstein. Ça donne notre réalité tangible démise. Ah oui, c'est magnifique. Effectivement, donc ça explique. Presque aussi fort que la courbure de l'espace-temps qui a pour anagramme superbe spectacle de l'amour. Mais là, ça nous éloigne du sujet. Oui, c'est autre chose. Mais effectivement, notre réalité est démise avec la relativité générale, et j'ai envie de dire que la physique, maintenant, quand on la compare à ce qu'elle faisait pendant beaucoup de millénaires avant le XXe siècle, avant, on va dire que la physique, l'occupation des physiciens était d'écrire la réalité. Si on regarde l'histoire du XXe siècle, ce que fait la physique au quotidien, c'est plutôt de déconstruire ce qu'on considère comme étant construit. La physique du XXe siècle, auquel on doit rajouter du coup la mécanique quantique, que là on ignore, alors que c'est quand même compliqué de l'ignorer, nous apprend en permanence. C'est plus simple de l'ignorer, non? Oui. Alors, moi je trouve ça plus simple. C'est vous qui avez fait les calculs. Et dans le livre, quand on raconte le début de l'histoire du début du XXe siècle, on peut pas l'ignorer. On s'est rendu compte qu'on pouvait pas, donc on y passe légèrement et on en ressort très vite parce que sinon c'est trop compliqué. Mais et ces deux théories-là, en fait, nous perturbent et nous apprennent en fait à arrêter totalement de suivre nos intuitions. On vient de comprendre que la gravitation, avec Einstein, n'est plus une force, mais une déformation de la géométrie de l'espace-temps. En quoi ça change le statut de l'univers? En quoi le sens de la phrase « l'univers a une histoire » change au tournant de 1915? Quand on dit que l'univers a une histoire, il y a un passage logique qui est caché dans la phrase, qui est que l'univers a des propriétés qui ont une histoire. Et c'est la relativité générale qui a permis de dire, ok, c'est quoi ces propriétés? On parle de la courbure, la courbure de l'espace-temps, donc de l'univers au sens d'Einstein, c'est une propriété. Elle est forte à un endroit, faible à un autre, globalement comme ça. Donc ça veut dire que l'univers devient lui-même un objet physique. Il devient un objet physique qui pourrait être rouge par exemple. Alors il n'est pas rouge, il est courbé, mais il a une espèce de couleur locale, une teinte qu'on peut décrire. Et cette propriété évolue dans le temps. Oui, c'est ça qu'on appelle l'histoire de l'univers. Mais comment vous expliquez qu'Einstein, qui a conçu cette relativité générale, n'a pas adhéré à l'idée qu'il pourrait avoir une histoire, au sens où l'espace-temps ne pouvait pas avoir d'histoire? Rien ne lui prouvait qu'il en avait une. Il devait avoir une très bonne intuition du fait que Il n'y a pas de raison. Peut-être qu'il n'imaginait pas le moteur aussi, les causes de cette histoire. Si la courbure évolue dans le temps, s'il y a une histoire des propriétés de l'univers, il faut un pourquoi, il faut un mécanisme physique derrière tout ça. Et ne l'observant pas, perso, je n'en veux pas de pas l'avoir imaginé. Mais il ne s'agit pas de lui en vouloir, il s'agit de comprendre pourquoi il a été pendant pas mal d'années contre cette idée jusqu'à ce que des observations le convainquent qu'il n'y avait pas d'autre choix. C'est vrai qu'il y a quand même un saut entre la relativité générale d'Einstein qui décrit comment localement la présence d'une masse déforme le drap qui est l'espace-temps, le drap donc malléable, et le fait d'envisager que ce drap puisse avoir une histoire à grande échelle. Et ce saut-là, c'est pas Einstein qui l'a fait, effectivement, c'est deux autres, Alexander Friedman et Jean-Claude. Einstein, il l'a vraiment refusé parce qu'il a changé ses équations pour empêcher qu'elle puisse avoir des solutions correspondant à un univers évolutif. Oui, c'est extrêmement bizarre. Il voulait un univers physiquement statique, pour des raisons physiques, peut-être même... Métaphysique, exactement. Il voulait un univers statique, et il a modifié sa théorie mathématique en rajoutant un terme pour lequel il n'avait aucune explication physique. Donc, il s'est trahi lui-même, en un sens. Les années 20 et les années 30, mais surtout les années 20 avec effectivement Friedman et Lemaître comme disait Stéphane, illustrent le fait que les équations d'Einstein donc, portent son nom, mais ont été beaucoup mieux compris par d'autres gens qu'Einstein. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue observationnel qui a fini par convaincre à peu près tout le monde que l'univers était historique? Alors, donc voilà, dans les années 20, il y a vraiment ce rôle important qu'a joué Hubble. Alors, il y avait aussi Vesto Silfer, effectivement, mais ce qu'a observé Hubble, c'est que, donc il s'est mis sur son mont Wilson, alors c'est Hubble qui est aussi le découvreur derrière des galaxies, qui a été le premier à découvrir vraiment qu'il y a plusieurs galaxies. Et ce qu'il s'est aperçu en observant... Le mot de l'époque, c'était nébuleuse. Voilà. Alors lui, en observant ces nébuleuses, ce qu'il s'est aperçu, c'est qu'elles s'éloignent de nous. Alors lui, son interprétation, il n'avait pas fait de relativité. Hein, son interprétation. Il ne les voyait pas bouger, il regardait la lumière. Oui, la lumière. Alors comment est-ce qu'on ressent la lumière? On peut dire, tiens, l'objet qui émet cette lumière bouge. Alors, donc, ce qu'il voit, c'est que la lumière change de couleur. Et ça, c'est un phénomène qu'on connaît dans la vie de tous les jours, puisque quand une ambulance s'approche de nous, on entend la sirène qui change de tonalité. La sirène, c'est pas la lumière. Exactement, mais c'est l'analogue. Alors, donc, c'est l'effet Doppler qui s'applique également aux ondes lumineuses. Donc, en ce qui concerne les ondes lumineuses, ce qui correspond au grave, c'est plutôt le rouge, et à l'aigu, c'est plutôt le bleu. Et donc, il observait ces galaxies plus rouges qu'elles n'étaient en réalité. Et donc lui, sa manière de l'interpréter, c'est qu'elle s'éloigne de nous, sauf que il y avait le Georges Lemaître qui rôdait par là, qui voulait absolument confirmer sa théorie de l'atome primitif qui est devenue la théorie du Big Bang, et qui a compris que cet éloignement des galaxies est dû au fait que l'univers s'étend un petit peu comme un gâteau au four avec des raisins, quand il gonfle au four, les raisins s'éloignent les uns des autres. Et voilà, ça a été vraiment la première preuve observationnelle du fait que l'univers a une histoire. Après, il y a quand même un saut entre le fait de dire que cet univers a une histoire et jusqu'où est-ce qu'on peut remonter, parce que le raisonnement de Lemaître, ça a vraiment été d'extrapoler cette histoire jusqu'à l'instant original. Mais d'abord, le raisonnement de Lemaître, c'est de dire que si on voit les galaxies qui s'éloignent, c'est pas parce qu'elles bougent dans l'espace, mais parce que l'espace qui les sépare se dilate. C'est ce que vous disiez. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est ça qu'on appelle l'expansion de l'univers. Tout à fait. De l'espace-temps. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, il faut s'imaginer, c'est l'histoire du gâteau au four ou alors des billes posées sur un drap extensible, quoi. On tire de tous les côtés, donc elles s'éloignent. Il y a leur mouvement propre qui est dû à leur mouvement sur la nappe, et ensuite il y a leur mouvement d'expansion dû au fait que la nappe s'étend. Mais c'est quand même très difficile à comprendre. Enfin, en tout cas, c'est difficile à conceptualiser. Et comme vous l'avez dit vous-même, il faut une sorte d'acte de foi pour choisir cette interprétation d'un phénomène physique qu'on peut expliquer. Enfin, en tout cas, Hubble lui-même croyait que c'était une fuite des galaxies dans l'espace statique. Tout à fait. Le saut encore plus important, c'est voilà cette extrapolation vers l'instant du Big Bang. Alors là, ça a mis beaucoup plus de temps. Ça a été plutôt dans les années 60, en fait, qu'on a eu les premiers indices observationnels du Big Bang. Mais c'est incroyable de se dire qu'on a pu mathématiquement extrapoler une équation qui découlait de la relativité générale jusqu'à l'instant prétendument originel de l'univers. Alors c'est l'équation celle d'Einstein qu'on utilise quand on fait de la cosmologie, c'est-à-dire qu'on regarde l'univers en tant qu'objet, son histoire, son évolution, peut-être sa structure, sa forme, sa géométrie. Vous, Arthur Soiti, qui travaillez en tant que thésar sur les équations d'Einstein, quelles sont les questions que vous vous posez? Alors moi je pose des questions assez différentes. L'expansion de l'univers d'un point de vue global, c'est assez bien compris mathématiquement. observationnellement, il y a encore beaucoup de mystères. Mais mathématiquement, la description est plutôt bonne. Moi, je m'intéresse à un phénomène totalement différent, dont je ne connais même pas le nom en français. En anglais, on appelle ça la back réaction. En gros, il faut imaginer... La rétroaction ? C'est une forme de rétroaction. Oui, c'est une rétroaction. Oui, c'est très bien, rétroaction. Je le garde pour ma thèse. Il faut imaginer un espace-temps vide. Alors, justement, le fait de pouvoir dire espace-temps vide, c'est une conséquence de la relativité générale. Un univers vide pour Newton, c'est pas un univers. Pour Einstein, un univers vide, c'est un univers. Ça suffit. Un espace-temps avec une certaine géométrie. Voilà. Il faut l'imaginer vide. Et en gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est les moments un peu étonnants où l'espace-temps se met à vibrer. Donc, il est toujours vide. Mais il vibre extrêmement vite, mais avec des toutes petites amplitudes, c'est une espèce de frémissement de l'espace-temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet espace-temps vide qui frémit peut être en fait perçu comme un espace-temps plein de matière. Avec les vibrations de l'espace-temps peuvent faire apparaître de la matière ou de l'énergie de manière apparente. Ça vient du fait qu'il y a une sorte d'intrication entre le contenant et le contenu ? Exactement, c'est dans les équations d'Einstein, vraiment c'est au cœur des équations. Dans ce frémissement, quand les termes de l'équation frémissent et vibrent... Et frémir, ça veut dire... Ils oscillent. Oui. Comme une corde de guitare. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que ça bouge, alors là, évidemment, mais vous voyez pas mes mains, mais c'est ça l'idée, quoi. C'est qu'une corde de guitare très très aiguë... Mais c'est un rapport avec les ondes gravitationnelles ou pas du tout? Oui, un petit peu. Ça a un peu un rapport à ça. Pour tout vous dire, c'est pas clair pour moi non plus. Parce que les ondes gravitationnelles, parlons d'elles, parce qu'elles ont un rapport avec l'espace-temps, évidemment. Elles ont été prédites par Einstein en 1916. Oui, et découvertes. Après, il est revenu un peu sur ses résultats. Il les a contestés, puis il a à nouveau adhéré aux ondes gravitationnelles. Il croyait pas aux trous noirs. Mais où vous étiez en 2016 quand on a annoncé pour la première fois la détection des ondes gravitationnelles? Je m'en souviens très bien. Ah oui, quand vous m'avez demandé pourquoi on a écrit le livre, l'autre raison, c'était voilà, c'est qu'on a vécu cette théorie de plein fouet, quoi. On a été au bon endroit au bon moment. Nous, en fait, on a commencé nos études en 2015. Et on a pris nos premiers... Études en 2015. Oui. Les études de quoi? Parce que nos études. Alors on est rentré à l'école normale supérieure en 2015. Avant il n'y avait pas d'études. Nos études proprement parlées. C'était autre chose. Et on est rentré en 2015. Effectivement, 6 mois après, on tombe là-dessus, quoi. C'était premier, incroyable. Premier cours de relativité, en fait, et on entend parler de cet événement phénoménal qui a créé beaucoup d'engouement. Et alors, évidemment, moi, tout de suite, j'ai été emballé par cette idée. Alors, Arthur, il se trouvait qu'il était parti vers les maths. Moi, je suis allé faire mon stage aux États-Unis. J'ai travaillé sur les fusions de trous noirs dans une équipe, justement, qui simulait ces collisions de trous noirs à l'origine des ondes gravitationnelles. Non pas pour simuler, en fait, moi, dans mon cas, les ondes gravitationnelles, mais également les ondes lumineuses qui sont émises par ces événements. Parce qu'il faut savoir que les trous noirs, ils sont noirs, on les voit pas, mais ils sont entourés de disques très chauds qui émettent de la lumière. Et c'est ça qui est assez fabuleux avec ces événements. C'est qu'on peut les observer de deux manières. On peut les voir et les entendre d'une manière un peu imagée, c'est-à-dire qu'on les entend par les ondes gravitationnelles, un nouveau type d'onde, et on les voit grâce à la lumière habituelle. Et ce qui est extrêmement novateur avec ces ondes gravitationnelles, qui donc, du coup, première détection en 2015, événement phénoménal, prix Nobel, un détecteur géant de 4 km, c'est que c'est un type d'onde qui se déplace à travers tout. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un mur en béton de 2 km, il passera à travers. La gravité. Comme la gravité, voilà. La gravité, c'est la gravité. C'est la manifestation du transport de la gravité par l'espace-temps lui-même. Et ce qui était fabuleux, c'est qu'on a pu calculer la masse des deux trous noirs qui ont fusionné à partir de l'analyse du spectre. Exactement. C'est-à-dire que l'onde n'est pas déformée par ce qu'elle traverse. Exactement. Contrairement à la lumière. Exactement. Et du coup, d'un point de vue purement observationnel, si je suis un astronome, je suis très content d'avoir un messager qui ne perd pas l'information, qui ne trahit pas l'événement initial qui l'a produit. C'est-à-dire qu'à partir de l'analyse de l'onde, on peut remonter à la structure de sa source, voilà. À l'événement qui l'a produit. Ce qui n'est pas le cas pour la lumière. La lumière, c'est l'autre grande onde qu'on utilise pour observer le cosmos. Quand une étoile passe derrière le Soleil, on la voit plus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ce qui n'est pas le cas pour une onde gravitationnelle qui traverse le Soleil sans problème. Ouais, autre chose qui est très importante aussi, c'est le fait que la lumière n'a pas toujours existé, ou du moins elle s'est pas toujours propagée. L'univers en fait a connu un instant 380 000 ans après le Big Bang, qui s'appelle l'instant de recombinaison, où en fait la lumière a soudainement pu se propager. Avant ça, elle était enfermée puisque la matière n'était pas encore constituée, les électrons n'étaient pas accrochés aux atomes, et donc elle se cognait dans tous les sens. Subitement, 380 000 ans, l'univers est devenu assez froid pour que les atomes se forment, et là, tout d'un coup, la lumière a été émise. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique qu'on a observé justement dans les années 60. Et du coup, avant cette période-là, on n'y a pas accès, on ne peut pas. Alors, comme on le sait, hein, en astronomie, voir loin, c'est voir dans le passé, mais il y a une limite à ça. On ne peut pas voir avant 380 000 ans. C'est caché. Alors, on peut faire des collisions de particules. Alors voilà, c'est ça. On peut le simuler. Oh, et on peut du coup croire qu'en faisant ça, on reproduit le Big Bang. Ce qui est pas le Big Bang, mais la suite. Quelque chose de très proche. Effectivement, Stéphane a raison. L'univers a pas toujours été lumineux. Par contre, en un sens, il a toujours été bruyant. Et ce que la relativité nous a permis de faire, c'est de l'entendre, alors qu'on faisait que le voir. Bah, l'entendre donc par les ondes gravitationnelles. Voilà. Et ce qui est compliqué, c'est pas exactement un son, parce qu'un son se propage pas dans le vide. C'est pas un son, mais le signal a été transformé en son. On peut l'écouter sur Internet. Ça fait un petit chirp. C'est très mon d'oiseau. Ouais. C'est très rigolo. Et alors, si je vous parle d'énergie noire, de matière noire, vous dites quoi? Alors, je vais reprendre un des titres de chapitre de notre livre. Ça fait partie de la grande magie noire de la cosmologie. Qui, pour moi, c'est des termes qu'on met sur des phénomènes non expliqués. On a besoin de les nommer pour les étudier, mais ça ne veut pas dire qu'on sait ce que c'est. Tout à fait, ouais. Alors, c'est pas la même chose. Matière noire et énergie noire, c'est quand même deux problèmes complètement différents. C'est différent. Alors, effectivement, les termes sont très proches, mais c'est pas du tout pareil. Oui, effectivement. Donc, Stéphane Dascoli. Ça, c'est les deux grandes composantes de notre théorie cosmologique actuelle, c'est que par nos mesures cosmologiques, on a déterminé que la masse telle qu'on la connaît, qui nous constitue, la matière baryonique comme on l'appelle, représente en fait seulement quelques pourcents de l'énergie totale de l'univers, le reste étant constitué de deux choses assez étranges. La première, c'est donc la matière noire. Alors la matière noire, qu'est-ce que c'est? On sait strictement rien de ce que c'est. Tout ce qu'on voit, c'est que les galaxies ne répondent pas aux lois habituelles de la gravité, c'est-à-dire elles tournent plus vite, et ça peut s'expliquer que par la présence d'une matière grave, c'est-à-dire qui pèse, qui accélère donc cette rotation, mais on a des candidats, mais on sait absolument pas ce que c'est. D'un autre côté, l'énergie noire, alors c'est justement cette chose que l'on donne effectivement un nom pour décrire le fait que l'univers a un mouvement d'expansion. Qu'est-ce qui provoque cette expansion? C'est l'énergie noire. Et là, donc, c'est une très belle histoire avec l'Einstein, là, sa constante. Non, mais l'expansion, on la connaît depuis longtemps. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'on a constaté qu'elle s'accélère. Exactement, c'est ça, et c'est ça qui est incroyable avec Einstein, c'est que même quand il se trompe, il a raison. Donc cette constante cosmologique dont on a un peu parlé, parce qu'elle devait résoudre le problème de son modèle de l'univers qui s'effondrait sur lui-même, a finalement joué un rôle, est revenue à la mode en fait dans les années 90, puisque c'est elle qui permet d'expliquer une expansion de l'univers accélérée. Alors moi j'ai une question personnelle à poser à l'un et l'autre, enfin à vous deux. Vous avez une vie de chercheur qui vous attend. On espère. Et donc, quelles sont les questions dont vous aimeriez connaître la réponse pendant votre vie de chercheur, qui vous turlupine et qui crée en vous une certaine impatience? Y a beaucoup. Arthur Toiti. Oh, c'est une grande question. Je ne sais même pas si les questions qui me turlupinent à ce point sont mathématiques, mais si je devais en choisir une, je parlerais de ce qu'on appelle la conjecture de la censure cosmique, qui est un truc qui est évoqué dans le bouquin. Et qui est pas très connu, j'ai l'impression, par les physiciens, ou en tout c'est cas censuré. Pas. C'est censuré effectivement à une échelle du coup cosmique. Alors je vais essayer d'expliquer en deux minutes. On n'a pas parlé des trous noirs, on aurait pu. Au sein d'un trou noir, il y a le centre du trou noir. Ok. Ce centre-là, il est très problématique. C'est ce qu'on appelle une singularité. C'est un point de l'espace-temps qui pose vraiment problème d'un point de vue quasiment géométrique. Et en fait, ce problème-là, comme il est caché derrière le trou noir, il est pas si problématique que ça, parce qu'il peut pas parler avec l'extérieur. Donc, cette singularité ne pousse pas l'univers à s'effondrer pour cause d'incohérence. Il l'ignore. Il l'ignore parce qu'il y a le trou noir qui la protège. Il y a le trou noir qui habille la singularité. Et en fait, la conjecture de la censure cosmique, c'est une conjecture de Penrose, qui a eu le prix Nobel l'an dernier, là, qui date des années 60, et qui dit que toute singularité de cette forme-là, en un sens, est forcément habillée par un trou noir. Il peut pas y avoir de singularité nue, et Penrose, en appelant sa conjecture de la censure cosmique, fait clairement une blague, dans le sens où il parle de la censure de la nudité des singularités. Et qu'est-ce que vous attendez? Que ce soit démontré ou oui. Au contraire on découvre que c'est faux? Non, que ça soit démontré. Ça changerait quoi? Oh bah, je sais pas. Ça mettrait peut-être plus d'argent dans la recherche en maths. Voilà un pari métaphysique. Et vous, Stéphane Dascoli, quelles sont les questions ou la question qui est centrale pour vous? Moi, en tant que physicien, clairement, c'est le mariage entre la relativité générale qu'on a décrite en longueur et la mécanique quantique qu'on a fait qu'évoquer. Qui n'a pas le même espace-temps du tout? Non, qui a l'espace-temps en fait de la relativité restreinte, c'est-à-dire un espace-temps rigide, très simple, parce que on ne sait que le décrire comme ça. Et voilà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ces deux révolutions qui sont nées d'Einstein la même année, en 1905, la mécanique quantique et la relativité générale, effectuent une transformation opposée qui sont les suivantes. La relativité générale, comme on l'a décrit, elle matérialise des concepts immatériels qu'on pensait immatériels de l'espace et du temps, alors que la mécanique quantique, ce qu'elle fait, elle fait un peu l'inverse, c'est-à-dire c'est la matière qui nous constitue, donc les choses matérielles, sont en fait décrites non pas par des petites particules localisées, comme des petites boules, mais comme des petites ondes de présence. Donc en quelque sorte, ces deux transformations inverses mettent la matière et l'espace-temps, donc l'immatériel et le matériel, un peu sur le même plan, c'est-à-dire c'est comme ce qu'on appelle des champs en physique quantique. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est évidemment, mais c'est pas pour tout de suite, parce qu'on manque d'expérience pour ça, c'est le mariage entre ces deux théories qui pour l'instant ne s'accordent pas, parce qu'elles ne partent pas des mêmes hypothèses de base. Et ça permettrait en particulier de nous donner plus de compréhension des premiers instants de l'univers, se rapprocher un peu plus du Big Bang. Mais est-ce que l'espace-temps est quelque chose de primitif, ou est-ce que c'est quelque chose qui émerge à partir d'un inframonde dans lequel il n'y aurait pas d'espace et de temps? Est-ce que c'est des questions que vous posez ou pas? Enfin, en 30 secondes. On va dire que la relativité... 30 secondes dans le référentiel du... Dans mon temps propre. 30 secondes de mon temps propre, je vous les donne. La relativité générale, c'est le début de l'histoire de la compréhension de l'univers à ce stade-là, mais pour répondre à votre question, c'est aussi la fin. Dans le sens où il n'y a pas moyen de rajouter quelque chose en dehors de l'espace-temps. Et en un sens, c'est une sorte d'impasse en termes de description d'un inframonde, comme vous le dites. Bon, je sais pas si c'est la fin, en tout cas c'est la fin de l'émission. Je vous remercie tous les deux, Arthur Toiti et Stéphane Dascoli, d'avoir participé à cette émission. Je recommande la lecture de votre livre qui s'intitule « Voyage au cœur de l'espace-temps ». C'est la dernière émission en direct avant les vacances, donc je vous souhaite à tous un très bel été si vous restez dans l'hémisphère nord, un très bel hiver si vous traversez l'équateur. J'aurai le plaisir, j'espère, de vous retrouver à la rentrée prochaine. En attendant, vous pourrez réécouter certains épisodes de La Conversation Scientifique. C'était donc La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique le grand et l'immense Jean Frédérix, et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez en français, Olivia Gelsberg, pardon, pour En français dans le texte. France Culture. L'esprit d'ouverture.